It's full of stars. ようこそ。 これがステレオです。 東京メンタル。 It's the most beautiful, ugly sound in the world. ラジオプルさん。 Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue aux Dionautes, vagabonds des fréquences modulées, arpenteurs des émotions sonores, bienvenue aux penseurs polychrones, arborescents, ainsi qu'aux penseurs monochrones, séquenceurs. Ce soir, nous entamons la H-35e heure de Tokyo Mental. Pour ceux qui débarquent, ce programme ambitionne de convoquer ni plus ni moins que l'émotion au travers des sons, musiques et chansons et autres collages sonores improbables. Je suis votre narrateur pour les 60 prochaines minutes, mais avant de commencer, faisons un petit détour et coupons le son. Merci. Faisons un petit détour par ma vie de tous les jours. Cette semaine, je me suis trouvé à court d'idées. J'avais pas grand-chose à exprimer, visiblement. À part l'éventail des émotions primaires, celles qui provoquent les réactions, les émotions, tout ça, bon, ça va nulle part. Ça n'apporte pas grand-chose en termes d'expression écrite et verbale, et ça n'a pas vraiment d'intérêt ni de valeur ajoutée pour cette introduction qui sert de sas entre les deux faces du miroir. J'ai alors allumé la radio, sur Radio Pulsar, j'écoute que cette radio, bon. Et j'écoutais une émission que je ne connaissais pas, qui est diffusée le mardi de 19h à 20h. Ça s'appelle « Slam à tout va ». C'est une émission de slam. Une émission vivante, en direct, pleine d'intervenants, d'improvisations, de looping et autres circonvolutions, et qui finit toujours par retomber sur ses pattes, alors que c'est un bordel qui semble tout sauf improvisé. Et pour le dire en un mot, bien. Bon, là, ça fait quatre mots. À la base, je voulais dire bien. Dans cette émission, il y a un défi par lequel les auditeurs sont invités à soumettre un slam à base d'une liste de mots imposés. Alors bon, mais j'ai eu envie d'essayer, vu que j'avais pas grand-chose à raconter. Donc, voilà ce que ça donne. Pamplemousse, source, épiphanie, citrouille, janvier, glissade, comète, tableau, poivre, asperge, champomis, cassoulet, hiver, frisson, casserole et chemise sont les 16 mots du jeu des 10 mots du mois de janvier pour Slam à tout va sur 95, Pulsar 95.9. Même tu sais. Voilà. Alors voilà ce que j'en ai fait. Accrochez-vous à vos baskets. Tableau. La source asperge la chemise, sans le frisson. Sur la peau comme une bise. Cassoulet dans casserole, c'est janvier, et c'est drôle. Comme être en glissade, poivre, pan. Pelemousse. Épiphanie, citrouille. Elle se débrouille bien. Cassoulet, casse le rôle. C'est janvier, c'est ça qui est drôle. Le frisson de la source asperge comme une brise. La peau sous la chemise. Pamplemousse, acide C. Poivre de comète, apogée. Épiphanie de citrouille. Champeau, mi-casserole, mi-cassoulet. C'est moitié drôle. Vivement février. Bonsoir, à nouveau. Nous sommes les faiseurs de musique et nous sommes les rêveurs du rêve. Coursons ce lapin blanc rapide comme la pensée et nous aussi traversons le voile des apparences. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. Le voyage commence. Le voyage vers... Tokyo. 予想屋さん、お久しぶり。お会いしたかったわ。予想屋さんは最近アナリストと呼ばれているんですって。いい予想っぷりね。 三味線は変わった音だったのね。 Don't you remember? No, I don't. Are you sure? Of course. So? Of course. As a matter of fact, I'm there right now. What do you mean, you're where? Right now. At your house. That's fucking crazy, man. Call me. Inside my house. You invited me. It is not my custom to go where I am not wanted. Who are you? Give me a Bingley. Yo. Out on matter of work, suck out on city. bienvenue. Ça y en a ce n'est que... 週刊少年ジャンプ的な未来を夢見ていたよ。君のピンチも僕のチャンスと待ち構えていたよ。毎晩少年ジャンプ的な夢で忙しくてさ、汗まみれで朝起きるたび命からがらで、ママに おはよう。 机は窓際、君の隣、遅刻と罰掃除と居眠り。だってヒーローはそうじゃなくちゃって。キザでキラキラしたセリフも使う予定なんかはないけど、ちゃんと毎晩お風呂でこっそり唱えるよ。未来のヒロインにいつか渡すために、誰一人に内緒で育てるんだよ。週刊少年ジャンプ的な未来を夢見ていたよ。君のピンチも僕のチャンスと待ち構えていたよ。きっとどんでん返し的な未来が僕を待っている。血まみれからの方がさ、勝つ時にはかっこいいだろ。だから今はボロボロの心にくるまって夢を見る。縮んだ心になんとか釣り合うように、丸めてた猫背ももうやめてよ。下を向いてもあの頃の僕はいないよ。ほら僕は、ねえ僕はここだよ。どこの何者でもない君も、あの時の少年は最前列で君のことを、君だけを見ているよ。君だけのヒーロー、君だけを見ているよ。ナレーションをつけてさ、瞬き一つせずに見てるよ。やっとここから勇者は栄光に向かい立ち上がるのです。血まみれになったプライドもさらに強く強く握りしめ、敵を取りに行くのです。自分を捕まえに行くのです。そして少年も立ち上がるのです。その声の限り振り絞るのです。ついにドアは光を放って開かれる。週刊少年ジャンプ的な未来を夢見ていたよ。僕のピンチは僕のチャンスと待ち構えていただろう。週刊少年ジャンプ的な未来を夢見ていたよ。君のピンチも僕のチャンスと待ち構えていたよ。きっとどんでん返し的な未来が僕を待っている。血まみれからの方がさ、勝つ時にはかっこいいだろ。だから今はボロボロの心を隠さないで泣けばいい。 Little Halutano, Lihita, like this. Down like this. L'idée qui t'a c'est le Dieu, bandit de nom Damien. Well, Nation, under the moon, Homo Ita Suyo, Waka Kalishino Kimi. ながら飛行機のサスペンス映画監視の目が街中に溢れかえる世界さ決して怒ったるな警戒だが我慢も限界欲望が警戒閉じ切ったドフトをこじ開けたい誰もが秘密を携帯する現代もうただしただけじゃ生きてゆけないスタントシーンにも交互期待君という名の暗号解答価値があるのだから方向性に進路を立てた疑惑の影もフリーキーたパパパパ知りすぎた僕たちはもうすでにヒヒヒヒこの機械なゲームのリピーターさ アリバイを見すし事件級の修羅場に抜ける照り汗にいるサスペンスも逃れてきたさ片手にしようこちら完全そうしな 誰もが奪いやそれはそれは世にも稀なプラチナ課題や頭の小説で回答が盗んじゃが文章だか密書だか設計図で知らないがとにかくわけもわからずに僕らはわけもわからぬままさまに恋焦がれて寝て寝て割れて取り込む込んでゆくそれぞれ美しいラブロマンたまたコメディー恋タイムビーチドアのミステリーされど僕 ぐらぐら追いかける君の曲線映した黒い影わわばかり中身になったらいい人だけに見せるとつんつんつんまいつんがいいベイベイ君は浮気なボディルブルーさきつく抱きしめるほどまずゆゆゆさせめて今宵は過ごそうぜふだふだにしせ俺だけの無邪気なピアディシーア リバイをミスし事件級の修羅場に抜けば照り汗見えるサスペンスも逃れ逃れてきたさ勝手にしよう完全そう 実はもう一人のあなた現実はやり直せないでも言うならやり直せるさあもう一人のあなたを生き生きさあ新しい人生を始めようさあ世界を変えよう No, no, no. けど鬼飛び乗って探し、まだ世界乗りこなして、ならないならない、やまない愛を知りたいと願うおまじない、時を超えた朝来夜まで、ならないならない、君を知りたい、何一つ見逃さぬように、時は誰も待ってくれないの、残酷な運命が抗えぬ宿命か、考える間もなく知らせずな嵐で、前が見えなくたって君を信じてみて、 ユーの世界へ。 Oh, attention to sounds, the shit's freaking off. Out in the sky, made it well. Coming out, waiting in the place. Pono light ski, not the cat, but the cat, my cheek, got a bag. Coach it, I got a high level ski, my name. Sucking with daddy, now my day, cry, then my pain. Ask me, die, yet, so I know she can get there. She said, what can I get the kid to find out a name? Back at the old man, that the modern I had. Ooh, huh, lame, chat. It's my time, then my baby, ay. Out of working, but I can't obey. Ooh, answer them, I want night, this game, ooh. All that shit. Don't stop it, baby. I don't do this usually. Baby, body like coke, body grinding, baby. Bitch wanna talk that body language. Say, baby, Jake is sexy, I know it, baby. Chotto itai kamo kedo heki. Kega shite mo sunai, ore no sei ni. Ooh, mommy, you got some smart ass mouth, baby. She wanna dance with Bobby. Show it to your daddy, grind it, baby. Baby, got baby, my sami shi mami. I know you're looking for good, Bobby. Kuchi wa hirucha mo tari. I know you're looking for good, Bobby. Night time, Tokyo, Bonso. Nighttime Tokyo Bozo. Sorry, that's building Koso. Me and homie life goes on. Drum, drum. Nari yama nai we drum. Boom, drum, drum. Furuera tata mata drum. We both so hard, man, drum. Me and I are another ganga. I'm the shit so best drum. I'm the shit you deca. That shit is all we're saying. That shit is all we're saying. Put it down, stop, throw it down. Flock, skip, nick, clock, put it down, stop. I'm that man, the clock, spit, take, clock. Get Nike, get wrong. Nagare te tomara na flow. Nagare te tomara na flow. Drama, wait a night more. Drama, wait a night more. Dance it on the floor. Batch up, mic, not a dough. Batch up, mic, not a bow. She do a dick in the soul. Treasure in my pocket. Only do I eat a night cooking. Shoot guys not again. Just go snatch myself. Chance was you for yourself. Nighttime Tokyo Bozo. Nighttime Tokyo Bozo. Nighttime Tokyo Bozo. documental sera terminé dans quelques minutes. Si vous êtes resté jusque-là, eh bien merci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonsoir et bonne nuit. À vendredi prochain à 21h. À plus. そして